URAX ou pas, dangereux, dangereux, opère. Français, merveilleux. 2006, on est là, on est là. Papa, les gars, et tu sais, t'as des yeux, on est pas, tu sais, ça casse tout, Toulouse, sauf la broussaille, PH, ATOM, boum boum, RDA, MNC, comme Ascendo, lance à l'élite, papa, boum, chrome 7, yep, yep, y'a quoi, au père, au père, mais là, tu sais. Pardon rouge, le pirate est l'accroché. Tu sais, pas prêt de se coucher. Oh ben, j'balance mon 18 titre. Oh ben, écoute ça garçon. C'est pour toi, c'est qui le bon son. Oh ben, 12, 21.